La première partie des Eulastrés. De Messire Honoré de Vrefet. Livre premier. Auprès de l'ancienne ville de Lyon, du côté du soleil couchant, il y a un pays nommé Forest, qui en sa petitesse contient ce qui est de plus rare au reste des Gaules, car étant divisé en plaine et en montagne, les unes et les autres sont si fertiles, et situées en un air si tempéré, que la terre y est capable de tout ce que peut désirer le laboureur. Au cœur du pays est le plus beau de la plaine, sainte, comme d'une forte muraille, des monts assez voisins et arrosés du fleuve de Loire, qui prenant sa source assez près de là, passe presque par le milieu, non point encore trop enflé ni orgueilleux, mais doux et paisible. Plusieurs autres ruisseaux en divers lieux l'avons baignant de leurs claires ondes, mais l'un des plus beaux est Lignon, qui vagabond en son cours, aussi bien que douteux en sa source, va serpentant par ceste plaine depuis les hautes montagnes de Servières et de Chalmazel, jusqu'à Feur, où Loire le recevant, et lui faisant perdre son nom propre, l'emporte pour tribut à l'océan. Or sur les bords de ces délectables rivières on a vu de tout en quantité de bergers, qui pour la bonté de l'air, la fertilité du rivage et leur douceur naturelle, vivent avec autant de bonne fortune, qu'ils reconnaissent peu la fortune. Et croient qu'ils n'eussent dû envier le contentement du premier siècle, si amour leur eussent aussi bien permis de conserver leur félicité, que le ciel leur en avait testé véritablement prodigue. Mais endormis en leur repos ils se soumirent à ce flatteur, qui toste après changea son autorité en tyrannie. Céla donc fut un de ceux qui plus vivement la ressentirent, tellement esprit des perfections d'Astrée, que la haine de leurs parents ne put l'empêcher de se perdre entièrement en elle. Il est vrai que si en la perte de soi même on peut faire quelque acquisition, dont on se doive contenter, il se peut dire heureux de s'être perdu si à propos, pour gagner la bonne volonté de la belle Astrée, qui assurée de son amitié, ne voulut que l'ingratitude en fût le paiement, mais plus toste une réciproque affection avec laquelle elle recevait son amitié et ses services. De sorte que si l'on vit depuis quelques changements entre eux, il faut croire que le ciel le permit, seulement pour faire paraître que rien n'est constant que l'inconstance, durable messement son changement. Car ayant vécu bien heureux l'espace de 3 ans, lorsque moins ils craignaient le fâcheux accident qui leur arriva, ils se virent poussés par la trahison de Sémir, aux plus profondes infortunes de l'amour, d'autant que c'est là dont désireux de cacher son affection pour décevoir l'importunité de leurs parents, qui d'une haine entre vieilles, interrompaient par toutes sortes d'artifices leurs desseins amoureux, s'efforçaient de montrer que la recherche qu'ils faisaient de ceste berger restait plus toste commune que particulière. Ruse vraiment assez bonne, si Sémir ne l'eust point malicieusement déguisé, fondant sur ceste dissimulation la trahison dont il déçut Astrée, et qu'elle paya depuis avec tant d'ennui, de regrets et de larmes. De fortune, ce jour l'amoureux berger s'estant levé fort matin pour entretenir ses pensées, laissant pestre l'herbe moins foulée à ses troupeaux, s'alla asseoir sur le bord de la tortueuse rivière de Lignon, attendant la venue de sa belle bergère, qui ne tarda guère après lui, car éveillée d'un soupçon trop cuisant, elle n'avait peu clore l'œil de toute la nuit. À peine le soleil commençait de dorer le haut des montagnes d'Isour et de Marcilly, quand le berger aperçut de loin un troupeau qu'il reconnut bientôt pour celui d'Astrée. Car outre que Mélampe, chien tant aimé de sa bergère, aussitôt qu'il le vit, le vint folâtrement caresser. Encore remarqua-t-il la brebis plus chérie de sa maîtresse, quoiqu'elle ne portasse ce matin les rubans de diverses couleurs qu'elle soulait avoir à la teste en façon de guirlande, parce que la bergère atteinte de trop de déplaisir, ne cessait donner le loisir de l'agencer comme de coutume. Elle venait après assez lentement, et comme on pouvait juger à ses façons, elle avait quelque chose en l'âme qui l'affligeait beaucoup, et la ravissait tellement en ses pensées, que fût-ce par mégarde ou autrement, passant assez près du berger, elle ne tourna pas seulement les yeux vers le lieu où il était, et s'alla asseoir assez loin de là sur le bord de la rivière. C'est là donc sans y prendre garde, croyant qu'elle ne l'eût vu, et qu'elle l'allât chercher où il avait accoutumé de l'attendre, et rassemblant ses brebis avec sa houlette, les chassa après elle, qui déjà s'estant assise contre un vieux tronc, le coude appuyé sur le genou, la joue sur la main, se soutenait la tête et demeurait tellement pensive, que si c'est là dont n'eût été plus qu'aveuglant son malheur, il eût bien aisément vu que cette tristesse ne lui pouvait procéder que de l'opinion du changement de son amitié, tout autre déplaisir n'ayant assez de pouvoir pour lui causer de si tristes et profondes pensées. Mais d'autant qu'un malheur inespéré est beaucoup plus malaisé à supporter, je crois que la fortune, pour lui austère toutes sortes de résistances, le voulut ainsi assaillir inopinément. Ignorant donc son prochain malheur, après avoir choisi pour ses brebis le lieu plus commode près de celle de sa bergère, il lui vint donner le bonjour, plein de contentement de l'avoir rencontrée, à quoi elle répondit et de visage et de parole si froidement, que l'hiver ne porte point tant de froideur ni de glaçons. Le berger qui n'avait pas accoutumé de la voir telle, se trouva d'abord fort estonné, et quoiqu'il ne se figurasse la grandeur de sa disgrâce telle qu'il l'éprouva peu après, si est-ce que le doute d'avoir offensé ce qu'il aimait, le remplit de si grands ennuis, que le moindre était capable de lui ôster la vie. Si la bergère eût daigné le regarder, ou que son jaloux soupçon lui eût permis de considérer quel soudain changement la froideur de sa réponse avait causé en son visage, pour certains la connaissance de tel effet lui eût fait perdre entièrement ses méfiances, mais il ne fallait pas que Céladon fût le phénix du bonheur, comme il l'estait de l'amour, ni que la fortune lui fît plus de faveur qu'au reste des hommes, qu'elle ne laisse jamais assurer en leur contentement. Ayant donc ainsi, demeuré longuement pensif, il revint à soi, et tournant la vue sur sa bergère, rencontra par hasard qu'elle le regardait, mais d'un œil si triste, qu'il ne laissa aucune sorte de joie en son âme, si le doute où il estait y en avait oublié quelqu'une. Ils étaient si proches de Lignon, que le berger y pouvait aisément atteindre du bout de sa houlette, et le dégel avait si fort grossi son cours, que tout glorieux et chargé des dépouilles de ses bords, il descendait impétueusement dans l'Oire. Le lieu où ils étaient assis, avait un tertre un peu relevé, contre lequel la fureur de l'onde en vin s'allait rompant, soutenue par en bas d'un rocher tout nude, couvert au-dessus seulement d'un peu de mousse. De ce lieu le berger frappait dans la rivière du bout de sa houlette, dont il ne touchait point tant de gouttes d'eau, que de divers pensées le venaient assaillir, qui flottant comme l'onde, n'était point si tôt arrivé, qu'il en était chassé par d'autres plus violents. Il n'y avait une seule action de sa vie, ni une seule de ses pensées, qu'il ne rappelasse tant son âme, pour entrer en compte avec elle, et à savoir en quoi il avait offensé, mais n'en pouvant condamner une seule, son amitié le contraignit de lui demander l'occasion de sa colère. Elle qui ne voyait point ses actions, ou qui les voyant, les jugeait toutes au désavantage du berger, allait rallumant son cœur d'un plus ardent d'esprit, si bien que quand il voulut ouvrir la bouche, elle ne lui donna pas même le loisir de proférer les premières paroles, sans l'interrompre, en disant « Ce ne vous est donc pas assez, perfide et déloyal berger, destre trompeur et méchant envers la personne qui le méritait le moins, si continuant vos infidélités, vous ne tâchiez d'abuser celle qui vous a obligé à toutes sortes de franchises. Donc vous avez bien la hardiesse de soutenir ma vue, après m'avoir tant offensé. Donc vous m'osez présenter, sans rougir, ce visage dissimulé qui couvre une âme si double, et si parjure, ah, va tromper une autre, va perfide, et t'adresse à quelqu'une, de qui tes perfidies ne soient point encore reconnues, et ne pense plus de te pouvoir déguiser à moi, qui ne reconnais que trop, à mes dépens, les effets de tes infidélités et trahisons. Quel devint alors ce fidèle berger? Celui qui a bien aimé le peut juger, si jamais tel reproche lui a été fait injustement. Il tombe à ses genoux pâle et transi, plus que n'est pas une personne morte, est-ce, belle bergère, lui dit-il, pour m'éprouver, ou pour me désespérer? Ce n'est, dit-elle, ni pour l'un, ni pour l'autre, mais pour la vérité, n'estant plus de besoin d'essayer une chose si reconnue. Ah, dit le berger, pourquoi n'ai-je osté ce jour malheureux de ma vie? Il eût testé à propos pour tous deux, dit-elle, que non point un jour, mais tous les jours que je t'ai vu, eût testé osté de la tienne et de la mienne. Il est vrai que tes actions ont fait, que je me trouve déchargé d'une chose, qui ayant effect, meust déplut davantage que ton infidélité. Que si le ressouvenir de ce qui s'est passé entre nous, que je désire toutefois être effacé m'a encore laissé quelque pouvoir, va-t'en déloyal, et garde-toi bien de te faire jamais voir à moi que je ne te le commande. Céladon voulut répliquer, mais Amour qui ouït si clairement, à ce coup lui boucha pour son malheur les oreilles, et parce qu'elle s'en voulait aller, il fut contraint de la retenir par sa robe lui disant, « Je ne vous retiens pas pour vous demander pardon de l'erreur qui m'est inconnue, mais seulement pour vous faire voir quelle est la fin que j'ai pour austère du monde celui que vous faites paraître d'avoir tant en horreur. » Mais elle que la colère transportait, sans tourner seulement les yeux vers lui, se débattit de telle furie qu'elle échappa, et ne lui laissa autre chose qu'un ruban, sur lequel par hasard il avait mis la main. Elle le saoulait porter au devant de sa robe pour agencer son collet, et y attacher quelquefois des fleurs, quand la saison le lui permettait, à ce coup elle y avait une bague, que son père lui avait donnée. Le triste berger la voyant partir avec tant de colère, demeura quelque temps immobile, sans presque savoir ce qu'il tenait en la main, quoiqu'il y eût les yeux dessus. Enfin avec un grand soupir, revenant de ceste pensée, et reconnaissant ce ruban, « Soit-est-ce moins, dit-il, ô cher cordon, que plutôt que de rompre un seul des nœuds de mon affection, j'ai mieux aimé perdre la vie, afin que quand je serai mort, et que ceste cruel te verra, pour être sur moi, tu la sœur qu'il n'y a rien au monde qui puisse être plus aimé que je l'aime, ni amant plus mal reconnu que je suis. » Et lors, se l'attachant au bras, et baisant la bague, « Et toi, dit-il, symbole d'une entière et parfaite amitié, sois content de ne me point éloigner à ma mort, afin que ce gage pour le moins me demeure de celle qui m'avait tant promis d'affection. » À peine eut-il fini ces mots, que tournant les yeux du côté d'Astrée, il se jeta les bras croisés dans la rivière. En ce lieu Lignon était très profond et très impétueux, car c'était un amas de l'eau, et un regorgement que le rocher lui faisait faire contre mont, si bien que le berger demeura longuement avant que d'aller à fond, et plus encore à revenir, et lorsqu'il parut, ce fut un genou premier, et puis un bras, et soudain enveloppé du tournoiement de l'onde il fut emporté bien loin de là-dessous l'eau. Déjà Astrée était accourue sur le bord, et voyant ce qu'elle avait tant aimé, et qu'elle ne pouvait encore haïr, Estre à son occasion si près de la mort, se trouva si surprise de frayeur, qu'au lieu de lui donner secours elle tomba évanouie, et si près du bord, qu'au premier mouvement qu'elle fit lorsqu'elle revint à soi, qui fut longtemps après, elle tomba dans l'eau, en si grand danger, que tout ce que peurent faire quelques bergers qui se trouvèrent près de là, fut de la sauver, et avec l'aide encore de sa robe, qui la soutenant sur l'eau, leur donna loisir de la tirer à bord, mettant hors d'elle-même, que sans qu'elle le sentisse, ils la portèrent en la cabane plus proche, qui se trouva Estre de Phyllis, où quelques-unes de ses compagnes lui changèrent ses habits mouillés, sans qu'elle pût parler, tant elle était estonnée, et pour le hasard qu'elle avait couru, et pour la perte de Céladon, qui cependant fut emporté de l'eau avec tant de furie, que de lui-même il alla donner sur le sec, fort loin, de l'autre côté de la rivière, entre quelques petits arbres, mais avec fort peu de signes de vie. Aussitôt que Phyllis, qui pour l'heure n'estait point chez elle, sut l'accident arrivé à sa compagne, elle se mit à courir de toute sa force, et ne s'estait que Lycidas la rencontra, elle ne se fût arrêtée pour quelque autre que ce s'estait. Encore lui dit-elle fort brièvement le danger qu'Astrée avait couru, sans lui parler de Céladon, aussi n'en savait-elle rien. Ce berger était frère de Céladon, à qui le ciel l'avait lié d'un nœud d'amitié beaucoup plus étroit que celui de parentage, d'autre côté Astrée, et Phyllis, outre qu'elles étaient germaines, s'aimaient d'une si étroite amitié, qu'elle méritait bien d'être comparée à celle des deux frères. Que si Céladon eut de la sympathie avec Astrée, Lycidas n'eut pas moins d'inclination à servir Phyllis, ni Phyllis à aimer Lycidas. De fortune, au même temps qu'ils arrivèrent, Astrée ouvrit les yeux, et certes bien changé de ce qu'il saoulait Estre, quand amour victorieux s'y montrait triomphant de tout ce qui les voyait et qu'il voyait. Leurs regards étaient lents et abattus, leurs paupières pesantes et endormies, et leurs esclairs changés en larmes, larmes toutefois qui tenant de ce cœur tout en flamme d'où elle venait, et de ses yeux brusselants par où elle passait, brusselaient et d'amour et de pitié tous ceux qui étaient alentour d'elle. Quand elle aperçut sa compagne Phyllis, ce fut bien lorsqu'elle reçut un grand esclancement, et plus encore quand elle vit Lycidas, et quoiqu'elle ne voulût que ceux qui étaient près d'elle reconnussent le principal sujet de son mal, si fut-elle contrainte de lui dire, que son frère s'était noyé en lui voulant aider. Ce berger à ces nouvelles fut si étonné, que sans s'arrêter davantage il courut sur le lieu malheureux avec tous ses bergers, laissant Astrée et Phyllis seuls, qui peu après se mirent à les suivre, mais si tristement, que quoiqu'elle eussent beaucoup à dire, elle ne se pouvait parler. Cependant les bergers arrivés sur le bord, et jetant l'œil d'un côté et d'autre, ne trouvèrent aucune marque de ce qu'ils cherchaient, sinon ceux qui coururent plus bas, qui trouvèrent fort loin son chapeau, que le courant de l'eau avait emporté, et qui par hasard s'estaient à rester entre quelques arbres que la rivière avait déracinés et abattus. Ce furent là tous les nouvelles qu'ils purent avoir de ce qu'ils cherchaient, car pour lui il était déjà bien éloigné, et en lieu où il leur restait impossible de le retrouver, parce qu'avant qu'Astrée fût revenu de son évanouissement, c'est là donc comme j'ai dit, poussé de l'eau, donna de l'autre côté entre quelques arbres, où difficilement pouvait-il être vu. Et lorsqu'il était entre la mort et la vie, il arriva sur le même lieu trois belles nymphes, dont les cheveux esparalés ondoyant sur les épaules, couverts d'une guirlande de diverses perles, elles avaient le sein découvert, et les manches de la robe retroussées jusque sur le coude, d'où sortait un linoncle délié, qui froncé venait finir auprès de la main, où deux gros bracelets de perles semblaient le tenir attaché. Chacune avait au costé le carquois rempli de flèches, et portait en la main un arc d'ivoire, le bas de leur robe par le devant était retroussé sur la hanche, qui laissait paraître leurs brodequins dorés jusqu'à mi-jambes. Il semblait qu'elles fussent venues en ce lieu avec quelque dessein, car l'une disait ainsi, « C'est bien ici le lieu, voici bien le repli de la rivière, voyez comme elle va impétueusement là-haut, outrageant le bord de l'autre côté, qui se rompt et tourne tout court en ça. Considérez cette touffe d'arbres, c'est sans doute celle qui nous a été représentée dans le miroir. Il est vrai, disait la première, mais il n'y a encore guère d'apparence en tout le reste, et me semble que voici un lieu assez escarté pour trouver ce que nous y venons chercher. » La troisième qui n'avait point encore parlé, « S'y a-t-il bien, dit-elle, quelque apparence en ce qu'il vous a dit, puis qu'il vous a si bien représenté ce lieu que je ne crois point qu'il y ait ici un arbre que vous n'ayez vu dans le miroir. » Avec semblables mots, elles approchèrent si près de Céladon, que quelques feuilles seulement le leur cachaient. Et parce qu'ayant remarqué toute chose particulièrement, elles reconnurent que c'était là sans doute le lieu qui leur avait été montré, elles s'y assirent, en délibération de voir si la fin serait aussi véritable que le commencement, mais elles ne se furent sitôt baissées pour s'asseoir, que la principale d'entre elles aperçut Céladon, et parce qu'elle croyait que ce fût un berger endormi, elle étendit les mains de chaque côté sur ses compagnes. Puis sans dire mot, mettant le doigt sur la bouche, leur montra de l'autre main entre ses petits arbres, ce qu'elle voyait, et se leva le plus doucement qu'elle put pour ne l'essveiller, mais le voyant de plus près, elle le crut mort, car il avait encore les jambes en l'eau, le bras droit mollement étendu par-dessus la teste, le gauche à demi tourné par derrière, et comme engagé sous le corps. Le col faisait un pli en avant pour la pesanteur de la teste, qui se laissait aller en arrière, la bouche à demi entrouverte, et presque pleine de sablon, dégoûtée encore de tout costé, le visage en quelques lieux escratigné et souillé, les yeux à moitié clos, et les cheveux qu'il portait assez longs, si mouillés que l'eau en coulait comme de deux sources le long de ses joues, dont la vive couleur était si effacée qu'un mort ne l'a point d'autre sorte. Le milieu des reins était tellement avancé, qu'il semblait rompu, et cela faisait paraître le ventre enflé plus, quoique rempli de tant d'eau il le fût assez de lui-même. Ces nymphes le voyant en ses états en eurent pitié, et Léonide qui avait parlé la première, comme plus pitoyable et plus officieuse, fut la première qui le prit sous le corps pour le tirer à la rive. À même instant l'eau qu'il avait avalée ressortait en telle abondance, que la nymphe le trouvant encore chaud, eut opinion qu'on le pourrait sauver. Lors Galatée, qui était la principale, se tournant vers la dernière qui la regardait sans lui aider, « Et vous Sylvie, lui dit-elle, que veut dire, ma mignonne, que vous êtes si fainéante ? Mettez la main à l'œuvre, si ce n'est pour soulager votre compagne, pour la pitié au moins de ce pauvre berger. Je m'amusais, dit-elle, madame, à considérer que quoi qu'il soit bien changé, il me semble que je le reconnais. » Et lors se baissant elle le prit de l'autre côté, et le regardant de plus près, « Pour certains, dit-elle, je ne m'y trompe pas, c'est celui que je veux dire, et certes il mérite bien que vous le secouriez, car outre qu'il est d'une des principales familles de ceste contrée, encore a-t-il tant de mérite que la peine y sera bien employée. » Cependant l'eau sortait en telle abondance que le berger estant fort allégé, commença à respirer, non toutefois qu'il ouvrit les yeux, ni qu'il revint entièrement. Et parce que Galatée eut opinion que c'était Cestuici, dont le druide lui avait parlé, elle-même commença d'aider à ses compagnes, disant qu'il le fallait porter en son palais d'Isour, où elle le pourrait mieux faire secourir. Et ainsi, non point sans peine, elles le portèrent jusqu'où le petit Méril gardait leur chariot, sur lequel montant tous trois, Léonide fut celle qui les guida, et pour n'être vue avec ceste proie par les gardes du palais, elles allèrent descendre à une porte secrète. Au même temps, qu'elles furent parties, Astrée revenant de son évanouissement tomba dans l'eau, comme nous avons dit, si bien que Lycidas, ni ceux qui vinrent chercher Céladon, n'en eurent autre nouvelle que celle que j'ai dite, par lesquelles Lycidas n'estant que trop assuré de la perte de son frère, s'en revenait pour se plaindre avec Astrée de leur commun désastre. Elle ne faisait que d'arriver sur le bord de la rivière, où contrainte du déplaisir elle s'était assise autant pleine d'ennui et d'estonnement, qu'elle l'avait peu auparavant estée d'inconsidération, et de jalousie. Elle était seule, car Phyllis voyant revenir Lycidas, était allée chercher des nouvelles comme les autres. Ce berger arrivant, et de lassitude, et de désir de savoir comme ce malheur était advenu, s'assit près d'elle, et la prenant par la main, lui dit, « Mon Dieu, belle bergère, quel malheur est le nôtre ?» Je dis le nôtre, car si j'ai perdu un frère, vous avez aussi perdu une personne qui n'était point tant à soi-même qu'à vous. Ou qu'Astrée fût attentive ailleurs, ou que ce discours lui ennuyaste, elle n'y fit point de réponse, dont Lycidas estonné, comme par reproche continua, « Est-il possible, Astrée, que la perte de ce misérable fils Cartel le nommait-elle ne vous touche l'âme assez vivement, pour vous faire accompagner sa mort, au moins de quelques larmes ? S'il ne vous avait point aimé, ou que cette amitié vous fût inconnue, ce serait chose supportable de ne vous voir ressentir davantage son malheur, mais puis que vous ne pouvez ignorer qu'il ne vous ait aimé plus que lui-même, c'est chose cruelle, Astrée, croyez-moi, de vous voir aussi peu esmu, que si vous ne le connaissiez point. » La bergère tourna alors le regard tristement vers lui, et après l'avoir quelque temps considéré, elle lui répondit, « Berger, il me déplaiste de la mort de votre frère, non pour amitié qu'il m'ait portée, mais d'autant qu'il avait des conditions d'ailleurs, qui peuvent bien rendre sa perte regrettable, car quant à l'amitié dont vous parlez, elle a été si commune aux autres bergères mes compagnes, qu'elles en doivent pour le moins avoir autant de regrets que moi. Ah, ingrate bergère, s'écria incontinent Lycidas, je tiendrai le ciel pour être de vos complices, s'il ne punit cette injustice en vous. Vous avez pu croire celui inconstant, à qui le courroux d'un père, les inimitiés des parents, les cruautés de votre rigueur n'ont pu diminuer la moindre partie de l'extrême affection, que vous ne sauriez feindre de n'avoir mille et mille fois reconnue en lui trop clairement. Vraiment celle-ci est bien une méconnaissance, qui surpasse toutes les plus grandes ingratitudes, puis que ses actions et ses services n'ont pu vous rendre assuré d'une chose, dont personne, que vous, ne doute plus. Aussi, Répondit Astrée, n'y avait-il personne à qui elle touchaste comme à moi? Elle le devait certes, répliqua le berger, et puis qu'il estait tant à vous, que je ne sais, et si fait, je le sais, qu'il ost plus tost désobéit au grand Dieu qu'à la moindre de vos volontés. Alors la bergère en colère lui répondit, laissons ce discours, Lycidas, et croyez-moi, qu'il n'est point à l'avantage de votre frère, mais s'il m'a trompé, et laissé avec ce déplaisir de n'avoir plus tost su reconnaître ses tromperies et finesses, il s'en est allé, certes, avec une belle dépouille, et de belles marques de sa perfidie. Vous me rendez, répliqua Lycidas, le plus estonné du monde, en quoi avez-vous reconnu ce que vous lui reprochez? Berger, adjusta Astrée, l'histoire en serait trop longue et trop ennuyeuse. Contentez-vous, que si vous ne le savez, vous êtes seul en ceste ignorance, et qu'en toute ceste rivière de Lignon, il n'y a berger qui ne vous dise que c'est Ladon aimé en mille lieues. Et sans aller plus loin, hier jouis de mes oreilles mesmes les discours d'amour qu'il tenait à son amante, car ainsi la nomma-t-il, auquel je me fusse arresté plus longtemps, ne testé que sa honte me déplaisait, et que pour dire le vrai, j'avais d'autres affaires ailleurs, qui me pressaient davantage. Lycidas alors comme transporté s'écria, je ne demande plus la cause de la mort de mon frère, c'est votre jalousie, Astrée, et jalousie fondée sur beaucoup de raisons, pour être cause d'un si grand malheur. Hélas! C'est là donc, que je vois bien réussir à ceste heure vraie les prophéties de tes soupçons, quand tu disais que ceste feinte te donnait tant de peine, qu'elle te coûterait la vie, mais encore ne connaissais-tu pas de quel costé ce malheur te devait advenir. Puis s'adressant à la bergère, est-il croyable, dit-il, Astrée, que ceste maladie est testée si grande qu'elle vous ait fait oublier les commandements que vous lui avez faits si souvent? Si serais-je bien témoin de 5 ou 6 fois pour le moins qu'il se mit à genoux devant vous, pour vous supplier de les révoquer, vous souvient-il point que quand il revint d'Italie, ce fut une de vos premières ordonnances, et que dedans ce rocher, où depuis si souvent je vous vis ensemble, il vous requit de lui ordonner et de mourir, plutôt que de feindre d'en aimer une autre? Mon Astrée, vous dit-il, je me ressouviendrai toute ma vie des mêmes paroles, ce n'est point pour refuser, mais pour ne pouvoir observer ce commandement, que je me jette à vos pieds, et vous supplie que pour tirer preuve de ce que vous pouvez sur moi, vous me commandiez de mourir, et non point de servir, comme que ce soit, autre qu'Astrée. Et vous lui respondîtes, mon fils, je veux ceste preuve de votre amitié, et non point votre mort, qui ne peut être sans la mienne, car, outre que je sais que celle-ci vous est la plus difficile, encore nous rapportera-t-elle une commodité, que nous devons principalement rechercher, qui est de clore les yeux et la bouche aux plus curieux et aux plus médisants. S'il vous répliqua plusieurs fois, et s'il en fit tous les refus que l'obéissance à quoi son affection l'obligeait envers vous lui pouvait permettre, je m'en remets à vous-même, si vous voulez vous en ressouvenir, tant y a que je ne crois point qu'il vous ait jamais désobéi, que pour ce seul sujet. Et à la vérité ce lui était une contrainte si grande, que toutes les fois qu'il revenait du lieu, où il était forcé de feindre, il fallait qu'il se mît sur un lit, comme revenant de faire un très grand effort. Et lors, il s'arresta pour quelque temps, et puis il reprit ainsi. Orsu, Astrée, mon frère est mort. Sans effet, quoi que vous en croyez, ou m'écroyez ne lui peut rapporter bien, ni mal, de sorte que vous ne devez plus penser que je vous en parle en sa considération, mais pour la seule vérité. Toutefois ayez en telle croyance qu'il vous plaira, si vous jurerais-je qu'il n'y a point 2 jours que je le trouvais gravant des vers sur l'escorce de ces arbres, qui sont par-delà la grande prairie à main gauche du biais et m'assure que si vous y daignez tourner les yeux vous remarquerez que c'est lui qui les y a coupés, car vous reconnaissez trop bien ses caractères si ce n'est qu'oublieuse de lui et de ses services passés, vous ayez de même perdu la mémoire de tout ce qui le touche, mais je m'assure que les dieux ne le permettront pour sa satisfaction, et pour votre punition. Les vers sont tels. Madrigal. Je pourrais bien dessus moi-même. Quoique mon amour soit extrême. Obtenir encore ce point. De dire que je n'aimais point. Mais feindre d'en aimer un autre. Et d'en adorer l'œil vainqueur. Comme en effet je fais le vôtre. Je n'en saurais avoir le cœur. Et s'il le faut ou que je meure. Faites-moi mourir de bonne heure. Il peut y avoir 7 ou 8 jours, qu'ayant été contraint de m'en aller pour quelque temps sur les rives de Loire, pour réponse il m'écrivit une lettre que je veux que vous voyez, et si en la lisant vous ne reconnaissez son innocence, je veux croire qu'avec votre bonne volonté vous avez perdu pour lui toute espèce de jugement. Et lors la prenant en sa poche, la lui lut. Elle était telle. Réponse de Céladon à Lycidas. Ne t'enquière plus de ce que je fais, mais sache que je continue toujours en ma peine ordinaire. Aimer et ne l'oser faire paraître, aimer point et jurer le contraire, cher frère, c'est tout l'exercice, ou plus tost le supplice de ton Céladon. On dit que 2 contraires ne peuvent en même temps être en même lieu, Toutefois la vraie et la feinte amitié sont d'ordinaire en mêmes actions, mais ne t'en estonne point, car je suis contraint à l'un par la perfection, et à autre par le commandement de mon astrait. Que si ceste vie te semble étrange, ressouviens-toi que les miracles sont les œuvres ordinaires des dieux et que veux-tu que ma déesse cause en moi que des miracles ? Il y avait longtemps qu'astrait n'avait rien répondu, parce que les paroles de Lycidas la mettaient presque hors d'elle-même. Si est-ce que la jalousie, qui retenait encore quelque force en son âme, lui fit prendre ce papier, comme estant en doute que c'est là dont l'eust écrit. Et quoi qu'elle reconnût, que vraiment c'était lui, si disputait-elle le contraire en son âme, suivant la coutume de plusieurs personnes, qui veulent toujours fortifier, comme que ce soit, leur opinion. Et presque au même temps plusieurs bergers arrivèrent de la queste de Céladon, où ils n'avaient trouvé autre marque de lui que son chapeau, qui ne fut à la triste astrée qu'un grand renouvellement d'ennui. Et parce qu'elle se ressouvint d'une cachette qu'amour leur avait fait inventer, et qu'elle n'eût pas voulu être reconnue, elle fit signe à Phyllis de le prendre. Et lors chacun se mit sur les regrets, et sur les louanges du pauvre berger, et n'en y eut un seul qui n'en racontast quelque vertueuse action, elle sans plus, qui le ressentait davantage, et s'était contrainte de demeurer muette, et de le montrer le moins, sachant bien que la souveraine prudence en amour est de tenir son affection cachée, ou pour le moins de n'en faire jamais rien paraître inutilement. Et parce que la force qu'elle se faisait en cela, était très grande, et qu'elle ne pouvait la supporter plus longuement, elle s'approcha de Phyllis, et la pria de ne la point suivre, afin que les autres en fissent de mesme, et lui prenant le chapeau qu'elle tenait en sa main, elle partit seule, et se mit à suivre le sentier par où ses pas sans élection la guidaient. Il n'y avait guère berger en la troupe qui ne sut l'affection de Céladon parce que ses parents par leur contrariété, l'avaient découvert plus que ses actions, mais elle s'y était conduite avec tant de discrétion, que hormis Sémire, Lycidas et Phyllis, il n'en y avait point qui seust la bonne volonté qu'elle lui portait, et encore que l'on connût bien que ceste perte l'affligeait, si l'attribuait-on plus tost à un bon naturel, qu'à un amour, tant profite la bonne opinion que l'on a d'une personne. Cependant elle continuait son chemin, le long duquel mille pensées, ou plus tost mille déplaisirs la talonnaient pas à pas, de telle sorte que quelquefois douteuse, d'autres fois assurée de l'affection de Céladon, elle ne savait, si elle le devait plaindre, ou se plaindre de lui. Si elle se ressouvenait de ce que Lycidas lui venait de dire, elle le jugeait innocent, que si les paroles qu'elle lui avait ouï tenir auprès de la bergère Aminte, lui revenaient en la mémoire, elle le condamnait comme coupable. En ce labyrinthe de diverses pensées, elle alla longuement errante par ce bois, sans nulle élection de chemin, et par fortune, ou par le vouloir du ciel, qui ne pouvait souffrir que l'innocence de Céladon demeuraste plus longuement douteuse en son âme, ses pas la conduisirent, sans qu'elle y pensaste, le long du petit ruisseau entre les mesmes arbres, où Lycidas lui avait dit que les vers de Céladon étaient gravés. Le désir de savoir s'il avait dit vrai, eut bien eu assez de pouvoir en elle pour les lui faire chercher fort curieusement, encore qu'il eût été fort caché, mais la coupure qui était encore toute fraîche les lui découvrit assez tost. Oh Dieu ! Comme elle les reconnut pour estre de Céladon, et comme promptement elle y courut pour les lire, mais combien vivement lui touchèrent ils l'âme. Elle s'assit en terre, et mettant en son giron le chapeau et la lettre de Céladon, elle demeura quelque temps les mains jointes ensemble, et les doigts serrés l'un dans l'autre, tenant les yeux sur ce qui lui restait de son berger. Et voyant que le chapeau grossissait à l'endroit où il avait accoutumé de mettre ses lettres, quand il voulait les lui donner secrètement, elle y porta curieusement la main, et passant les doigts dessous la doublure, rencontra le feutre apiécé, duquel destachant la ganse, elle en tira un papier que ce jour mesme Céladon y avait mis. Cette finesse fut inventée entre eux, lorsque la malveillance de leur père les empêchait de se pouvoir parler, car feignant de se jeter par jeu ce chapeau, ils pouvaient aisément recevoir et donner leurs lettres. Toute tremblante elle sortit celle-ci hors de sa petite cachette, et tout hors de soi, après l'avoir dépliée elle y jeta la vue pour la lire, mais elle avait tellement esgaré les puissances de son âme, qu'elle fut contrainte de se frotter plusieurs fois les yeux avant que de le pouvoir faire, enfin elle eut tel mot. Lettre de Céladon à la bergère Astrée. Mon Astrée, si la dissimulation, à quoi vous me contraignez, et pour me faire mourir de peine, vous le pouvez plus aisément d'une seule parole, si c'est pour punir mon outrecuidance, vous êtes juge trop doux, de m'ordonner un moindre supplice que la mort. Que si c'est pour esprouver quelle puissance vous avez sur moi, pourquoi n'en recherchez-vous un témoignage plus prompt que celui-ci, de qui la longueur vous doit être ennuyeuse, car je ne saurais penser que ce soit pour sceller notre dessein comme vous dites, puis que ne pouvant vivre en telle contrainte, ma mort sans doute en donnera assez prompte et déplorable connaissance. Jugez donc, mon bel astre, que c'est assez enduré, et qu'il est désormais temps que vous me permettiez de faire le personnage de Céladon, ayant si longuement, et avec tant de peine représenter celui de la personne du monde, qui lui est la plus contraire. Auquel cousteau tranchant furent ces paroles en son âme. Lorsqu'elle lui remit en mémoire le commandement qu'elle lui avait fait, et la résolution qu'il avait prise de cacher par ceste dissimulation leur amitié. Mais voyez quels sont les enchantements d'amour, elle recevait un déplaisir extrême de la mort de Céladon, et toutefois elle n'estait point sans quelque contentement au milieu de tant d'ennuis, connaissant que véritablement il ne lui avait point esté infidèle. Et desquelles en fussent certaines, et que tant de preuves eurent esclairci les nuages de sa jalousie, toutes ces considérations se joignirent ensemble, pour avoir plus de force à la tourmenter, de sorte que ne pouvant recours à autre remède qu'aux larmes, tant pour plaindre Céladon, que pour pleurer sa propre perte, elle donna commencement à ses regrets, avec un ruisseau de pleurs. Et puis de sang pitoyable hélas interrompant le repos de son estomac, d'infinis sanglots le respirer de sa vie, et d'impitoyables mains outrageant ses belles mains mesmes, elle se ramentut la fidèle amitié qu'elle avait auparavant reconnue en ce berger, l'extrémité de son affection, le désespoir où l'avait poussé si promptement la rigueur de sa réponse. Et puis se représentant le temps heureux qu'il l'avait servi, les plaisirs et contentements que l'honnêteté de sa recherche lui avait rapportés, et quel commencement d'ennui elle ressentait déjà par sa perte, encore qu'elle le trouvast très grand, si ne le jugeait elle égal à son imprudence, puis que le terme de tant d'années lui devait donner assez d'assurance de sa fidélité. D'autres costés, Lycidas, qui était si mal satisfait d'Astrée, qu'il n'en pouvait presque avec patience souffrir la pensée, se leva d'auprès de Phyllis, pour ne dire chose contre sa compagne qui lui de pleust, et partit l'estomac si enflé, les yeux si couverts de larmes, et le visage si changé, que sa bergère le voyant en tel état, et donnant à ce coup quelque chose à son amitié, le suivit sans craindre ce qu'on pourrait dire d'elle. Il allait les bras croisés sur l'estomac, la tête baissée, le chapeau enfoncé, mais l'âme encore plus plongée dans la tristesse. Et parce que la pitié de son mal obligeait les bergers qu'il aimait à participer à ses ennuis, ils allaient suivant et plaignant après lui, mais ce pitoyable office ne lui était qu'un rengorgement de douleur. Car l'extrême ennui à cela, que la solitude doit être son premier appareil, parce qu'en compagnie l'âme n'ose librement pousser dehors les venins de son mal, et jusqu'à ce qu'elle s'en soit déchargée, elle n'est capable des remèdes de la consolation. Estant en ceste peine, de fortune ils rencontrèrent un jeune berger couché de son long sur l'herbe, et deux bergères auprès de lui, l'une lui tenant la teste en son giron, et l'autre jouant d'une harpe, cependant qu'il allait soupirant tel vers, les yeux tendus contre le ciel, les mains jointes sur son estomac, et le visage tout couvert de larmes. Stance sur la mort de Cléon. La beauté que la mort en cendre a fait résoudre. La dépouillant si toste de son humanité. Passa comme un esclair, et brusla comme un foudre. Tant elle eut peu de vie, et beaucoup de beauté. Ses yeux jadis auteurs des douces entreprises. Des plus chers amours sont à jamais fermés. Beaux yeux qui furent pleins de tant de mignardises. Qu'on ne les vit jamais sans qu'ils fussent aimés. S'il est vrai, la beauté d'entre nous est ravie. Amour pleure vaincu qui fut toujours vainqueur. Et celle qui donnait à mille cœurs la vie. Est morte, si ce n'est qu'elle vive en mon cœur. Et quel bien désormais peut être désirable. Puis que le plus parfait et le plus toste ravi. Et qu'ainsi que du corps l'ombre est inséparable. Il faut qu'un bien tous jours soit d'un malheur suivi. Il semble, ma Cléon, que votre destinée est dès son orient votre jour achevé, et que votre beauté morte aussi toste que née, au lieu de son berceau son cercueil est trouvé. Non, vous ne mourrez pas, mais c'est plus toste moi-même. Puisque vivant je fus de vous seul animé, et si l'amant a vie en la chose qu'il aime, vous revivez en moi m'ayant tous jours aimé. Que si je vis, amour veut donner connaissance, que même sur la mort il a commandement, ou comme estant un dieu pour monstrer sa puissance. Et sans âme et sans cœur faire vivre un amant. Mais, Cléon, si du ciel l'ordonnance fatale, d'un trépas inhumain vous fait sentir l'effort, amour à vos destins rend ma fortune égale. Vous mourrez par mon deuil, et moi par votre mort. Je regrettais ainsi mes douleurs immortelles, sans que par mes regrets la mort puisse s'attendrir, et mes deux yeux échangés en sources éternelles, qui pleurèrent mon mal, ne scurent la moindre rire. Quant amour avec moi d'une si belle morte, ayant plein la malheur qui cause mes travaux, séchons, dit-il, nos yeux, plaignons d'une autre sorte, aussi bien tous les pleurs sont moindres que nos maux. Lycidas et Phyllis eussent bien eu assez de curiosité pour s'enquérir de l'ennui de ce berger, si le leur propre le leur eût permis, mais voyant qu'il avait autant de besoin de consolation qu'eux, ils ne voulurent adjuster le mal d'autrui au leur, et ainsi laissant les autres bergers attentifs à l'escouter, ils continuèrent leur chemin sans être suivis de personne, pour le désir que chacun avait de savoir qui était ceste troupe inconnue. À peine était parti Lycidas, qu'ils ouïrent d'assez loin une autre voix qui semblait de s'approcher d'eux, et la voulant escouter, ils furent empêchés par la bergère qui tenait la teste du berger dans son giron, avec telle plainte, eh bien, cruel, eh bien, berger sans pitié. Jusqu'à quand ce courage obstiné s'endurcira-t-il à mes prières? Jusqu'à quand, as-tu ordonné que je sois dédaigné pour une chose qui n'est plus? Et que pour une morte je sois privé de ce qui lui est inutile? Regarde, Tyr 6, regarde, idolâtre des morts, et ennemi des vivants, quelle est la perfection de mon amitié, et apprends quelquefois, apprends à aimer les personnes qui vivent, et non pas celles qui sont mortes, qu'il faut laisser en repos après le dernier adieu, et non pas en troubler les cendres bienheureuses par des larmes inutiles, et prends garde, si tu continues, de n'attirer sur toi la vengeance de ta cruauté, et de ton injustice. Le berger alors, sans tourner les yeux vers elle, lui répondit froidement, pleust à Dieu, belle bergère, qu'il me fût permis de vous pouvoir satisfaire par ma mort, car pour vous ôter, et moi aussi de la peine où nous sommes, je la chérirai plus que ma vie. Mais puisque, comme si souvent vous m'avez dit, ce ne serait que rengroger votre mal, je vous supplie, Laonis, rentrez en vous-mesme, et considérez combien vous avez peu de raison, de vouloir deux fois faire mourir ma chère Cléon. Il suffit bien, puisque mon malheur l'a ainsi voulu, qu'elle ait une fois payé le tribut de son humanité, que si après sa mort elle est venue revivre en moi par la force de mon amitié, pourquoi, cruel, la voulez-vous faire remourir par l'oubli qu'une nouvelle amour causerait en mon âme? Non, non, bergère, vos reproches n'auront jamais tant de force en moi, que de me faire consentir à un si mauvais conseil, d'autant que ce que vous nommez cruauté, je l'appelle fidélité, et ce que vous croyez digne de punition, je l'estime mériter une extrême louange. Je vous ai dit qu'en mon cercueil la mémoire de ma Cléon vivra parmi mes os. Ce que je vous ai dit, je l'ai mille fois juré aux dieux immortels, et à cette belle âme qui est avec eux, et croiriez-vous qu'ils laissassent impuni Tyr 6, si oublieux de ses serments ils devenaient infidèles? Ah! Que je vois plus tost le ciel pleuvoir des foudres sur mon chef, que jamais j'offense ni mon serment ni ma chère Cléon. Elle voulait répliquer, lorsque le berger qui allait chantant, les interrompit, pour être déjà trop près d'eux, avec étel vert. Chanson de l'inconstant hélas. Si l'on me dédaigne, je laisse la cruelle avec son dédain. Sans que j'attende au lendemain, de faire nouvelle maîtresse. C'est erreur de se consumer. À se faire par force aimer. Le plus souvent c'est en discrète. Qui vont nos amours mésprisants, ont au cœur un feu plus cuisant. Mais les flammes en sont secrètes. Que pour d'autres nous allumons. Cependant que nous les aimons. Le trop fidèle opiniastre, qui déçu de sa loyauté, aime une cruelle beauté. Ne semble-t-il point l'idolâtre, qui de quelque idole impuissant, jamais le secours ne ressent? On dit que qui ne se lasse, de longuement importuné, par force enfin se fait donner. Mais c'est avoir mauvaise grâce, quoi qu'on puisse avoir de quelqu'un, que d'être tous jours importun. Voyez-les, ces amants fidèles. Ils sont tous jours pleins de douleur. Les soupirs, les regrets, les pleurs, sont leur contenance plus belle, et semble que pour être amant, il faille plaindre seulement. Celui doit-il s'appeler homme, qui, l'honneur de l'homme étouffant, pleure tout ainsi qu'un enfant, pour la perte de quelques pommes, ne faut-il plus tost le nommer, un fol qui craint de bien aimer? Moi qui veux fuir ces sottises, qui ne donne que de l'ennui, sache par le malheur d'autrui, juste tous jours de mes franchises, et ne puis être mécontent, que l'on m'en appelle inconstant. À ces derniers vers, ce berger se trouva si proche de Tyr 6, qu'il put voir les larmes de Laonis, et parce qu'encore qu'étranger, il ne laissait de se connaître, et de s'être déjà pratiqué quelque temps par les chemins, ce berger sachant quel était l'ennui de Laonis et de Tyr 6, s'adressa d'abord à lui de cette sorte, au berger désolé car à cause de sa triste vie, c'était le nom que chacun lui donnait, si j'étais comme vous, que je m'estimerais malheureux. Tyr 6, l'ayant parlé, se releva pour lui répondre, et moi, lui dit-il, hélas, si j'étais en votre place, que je me dirais infortuné. S'il me fallait plaindre, adjusta cest ici, autant que vous pour toutes les maîtresses que j'ai perdues, j'y aurais à plaindre plus longuement que je ne saurais vivre. Si vous faisiez comme moi, répondit Tyr 6, vous n'en auriez à plaindre qu'une seule. Et si vous faisiez comme moi, répliqua hélas, vous n'en plaindriez point du tout. C'est en quoi, dit le désolé, je vous estime misérable, car si rien ne peut être le prix d'amour que l'amour mesme, vous ne fûstes jamais aimé de personne, puisque vous n'aimastes jamais, et ainsi vous pouvez bien marchander plusieurs amitiés, mais non pas les acheter, n'ayant pas la monnaie dont telle marchandise se paye. Et à quoi connaissez-vous, répondit hélas, que je n'aime point. Je le connais, dit Tyr 6, à votre perpétuel changement. Nous sommes, dit-il, d'une bien différente opinion, car j'ai toujours cru que l'ouvrier se rendait plus parfait, plus il exerçait souvent le métier dont il faisait profession. Cela est vrai, répondit Tyr 6, quand on suit les règles de l'art, mais quand on fait autrement, il advient comme à ceux qui s'estant fourvoyés, plus ils marchent, et plus ils s'éloignent de leur chemin. Et c'est pourquoi, Tout ainsi que la pierre qui roule continuellement, ne se revestit jamais de mousse, mais plus toste d'ordure et de saleté, de mesme votre légèreté se peut bien acquérir de la honte mais non jamais de l'amour. Il faut que vous sachiez, hélas, que les blessures d'amour sont de telle qualité, que jamais elles ne guérissent. Dieu me garde, dit hélas, d'un tel blesseur. Vous avez raison, répliqua Tircis, car si à chaque fois que vous avez été blessé d'une nouvelle beauté, vous aviez reçu une plaie incurable, je ne sais si en tout votre corps il y aurait plus une place saine, mais aussi vous êtes privé de ses douceurs et de ses félicités, qu'amour donne aux vrais amants, et cela miraculeusement comme toutes ses autres actions par la mesme blessure qu'il leur a faite. Que si la langue pouvait bien exprimer ce que le cœur ne peut entièrement goûter, et qu'il vous fût permis d'ouïr les secrets de ce Dieu, je ne crois pas que vous ne voulussiez renoncer à votre infidélité. Hélas alors en soussriant, sans mentir, dit-il vous avez raison, Tircis de vous mettre du nombre de ceux qu'amour traite bien. Quant à moi, s'il traite tous les autres comme vous, je vous en quitte de bon cœur ma part, et pouvez garder tout seul vos félicités, et vos contentements, et ne craignez que je les vous envie. Il y a plus d'un mois, que nous sommes presque d'ordinaire ensemble, mais marquez-moi le jour, l'heure, ou le moment, où j'ai pu voir vos yeux sans l'agréable compagnie de vos larmes, et au contraire, dites avec vérité le jour, l'heure, et le moment où vous m'avez seulement ouï soupirer pour mes amours. Tout homme qui n'aura point le goût perverti, comme vous le sens, ne trouvera-t-il les douceurs de ma vie plus agréables et aimables, que les amertumes ordinaires de la vôtre ? Et se tournant vers la bergère qui s'était plainte de Tircis, et vous insensible bergère, ne prendrez-vous jamais assez de courage pour vous délivrer de la tyrannie, où ce dénaturé berger vous fait vivre ? Voulez-vous par votre patience vous rendre complice de sa faute ? Ne connaissez-vous pas qu'il fait gloire de vos larmes, et que vos supplications l'élèvent à telle arrogance, qu'il lui semble que vous lui êtes trop obligé, quand il les escoute avec mépris ? La bergère avec un grand hélas lui répondit, il est fort aisé, hélas, à celui qui est saint de conseiller le malade, mais si tu étais en ma place, tu connaîtrais que c'est en vain que tu me donnes ce conseil, et que la douleur me peut bien austère l'âme du corps, mais non pas la raison chassée de mon âme ceste trop forte passion. Que si c'est aimé berger use envers moi de tyrannie, il peut encore traiter avec beaucoup plus absolue puissance, quand il lui plaira, ne pouvant vouloir davantage sur moi, que son autorité ne s'estende beaucoup plus outre. Laissons donc là tes conseils, hélas, et cesse tes reproches, qui ne peuvent que rengroger mon mal sans espoir d'allégeance, car je suis tellement tout à Tircis, que je n'ai pas smesme ma volonté. Comment, dit le berger, votre volonté n'est pas votre? Et que sert-il donc de vous aimer et servir? Cela mesme, répondit Laonis, que me sert l'amitié et le service que je rends à ce berger. C'est-à-dire, répliqua hélas, que je perds mon temps et ma peine, et que vous racontant mon affection, ce n'est qu'essveiller en vous les paroles, dont après vous vous servez en parlant à Tircis. Que veux-tu, hélas, lui dit-elle en soupirant, que je te réponde là-dessus, sinon qu'il y a longtemps que je vais pleurant ce malheur, mais beaucoup plus en ma considération qu'en la tienne. Je n'en doute point, dit hélas, mais puis que vous êtes de ceste humeur, et que je puis plus sur moi, que vous ne pouvez sur vous, touchez-la, bergère, dit-il lui tendant la main, ou donnez-moi congé, ou recevez-le de moi, et croyez qu'aussi bien, si vous ne le faites, je ne laisserai pas de me retirer, ayant trop de honte de servir une si pauvre maîtresse. Elle lui répondit assez froidement, ni toi, ni moi, n'y ferons pas grand perte. Pour le moins je t'assure bien que celle-là ne me fera jamais oublier le mauvais traitement que je reçois de ce berger. Si vous aviez, lui répondit-il, autant de connaissance de ce que vous perdez en me perdant que vous montrez peu de raison en la poursuite que vous faites, vous me plaindriez plus que vous ne souhaitez l'affection de Tircis, mais le regret que vous aurez de moi sera bien petit, s'il n'escale celui que j'ai pour vous. Et lors il chanta tel vers en s'en allant. Sonnet. Puisqu'il faut arracher la profonde racine, que amour en vous voyant me planta dans le cœur, et que tant de désirs avec tant de langueur, ont si soigneusement nourri en ma poitrine. Puis qu'il faut que le temps qui vit son origine, triomphe de sa fin, et s'en nomme vainqueur. Faisons un beau dessin, et sans vivre en langueur. Ostons en tout d'un coup, et la fleur et l'espine. Chassons tous ces désirs, esténons tous ces feux. Rompons tous ces liens, serrés de tant de nœuds, et prenons de nous-mêmes un congé volontaire. Nous le vaincrons ainsi, cet amour indompté, et ferons sagement de notre volonté, ce que le temps enfin nous forcerait de faire. Si ce berger fût venu en ce pays, en une saison moins fâcheuse, il y eût trouvé sans doute plus d'amis, mais l'ennui de Céladon, dont la perte était encore si nouvelle, rendait si triste tous ceux de ce rivage, qu'il ne se pouvait arrêter à telle gaillardise. C'est pourquoi ils le laissèrent aller, sans avoir curiosité de lui demander, ni à Tircis aussi, quel était le sujet qui les conduisait, et quelques-uns retournèrent en leur cabane, et quelques autres continuant de rechercher Céladon, passèrent qui de ça, qui de là la rivière, sans laisser jusque à loire ni arbre, ni buisson, dont ils ne découvrissent les cachettes. Toutefois ce fut en vain, car ils ne scurent jamais en trouver d'autres nouvelles, seulement Sylvandre rencontra Polémas tout seul, non point loin du lieu, où peu auparavant Galatée et les autres nymphes avaient pris Céladon. Et parce qu'il commandait à toute la contrée sous l'autorité de la nymphe Amasie, le berger, qu'il avait plusieurs fois vœu à Marsilie, lui rendit en le saluant tout l'honneur qu'il lui fut possible. Et d'autant qu'il s'enquit de ce qu'il allait cherchant le long du rivage, il lui dit la perte de Céladon, de quoi Polémas fut mari, ayant toujours aimé ceux de sa famille. D'autres costés, Lycidas qui se promenait avec Phyllis, après avoir quelque temps demeuré muet, enfin se tournant vers elle, « Eh bien, belle bergère, lui dit-il, que vous semble de l'humeur de votre compagne ?» Elle qui ne savait encore la jalousie d'Astrée, lui répondit, que c'était le moindre déplaisir qu'elle en devait avoir, et qu'en un si grand ennui, il lui devait bien être permis d'éloigner, et fuir toute compagnie, car Phyllis pensait qu'il se plaignait, de ce qu'elle s'en était allée seule. « Oui certes, répliqua Lycidas, c'est le moindre, mais aussi crois-je qu'en vérité c'est le plus grand, et faut dire que c'est bien la plus ingrate du monde, et la plus indigne d'être aimée. Voyez, pour Dieu, quelle humeur est la sienne, mon frère n'a jamais eu dessein, tant s'en faut, n'a jamais eu pouvoir d'aimer qu'elle seule, elle le sait, la cruelle qu'elle est, car les preuves qu'il lui a rendues, ne laissent rien en doute. Le temps a été vaincu, les difficultés, voire les impossibilités dédaignées, les absences surmontées, les courroux paternels méprisés, ses rigueurs, ses cruautés, ses dédains mesmes supportés, par une si grande longueur de temps, que je ne sais autre qu'Ilost peut faire, que Céladon. Et, avec tout cela, ne voilà pas ceste volage, qui comme je crois, ayant ingratement changé de volonté, s'ennuyait de voir plus longuement vivre celui qu'autrefois elle n'avait peu faire mourir par ses rigueurs et qu'à ceste heure elle savait avoir si indignement offensé. Ne voilà pas, dis-je, ceste volage qui se feint de nouveaux prétextes de haine et de jalousie, lui commande un éternel exil, et le désespère, jusque à lui faire rechercher la mort ? Mon Dieu, dit Phyllis tout estonné, que me dites-vous, Lycidas ? Est-il possible qu'Astrée ait fait une telle faute ? Il est vraiment très certain, répondit le berger, elle m'en a dit une partie, et le reste je l'ai aisément jugé par ses discours. Mais bien qu'elle triomphe de la vie de mon frère, et que sa perfidie et ingratitude lui déguisaient ceste faute, comme elle aimera le mieux, si vous fais-je serment que jamais elle m'en eut tant d'affection ni de fidélité que lui. Non point que je veuille qu'elle le sache, si ce n'est que cela lui rapporte par la connaissance qu'il lui pourrait donner de son erreur, quelque extrême déplaisir, car d'or en là, je lui suis autant mortel ennemi, que mon frère lui a été fidèle serviteur, et elle indigne d'en être aimée. Ainsi allait discourant Lycidas et Phyllis, lui, infiniment fâché de la mort de son frère, et infiniment offensé contre Astrée, elle, Marie de Céladon, fâchée de l'ennui de Lycidas, et estonnée de la jalousie de sa compagne. Toutefois, voyant que la plaie en était encore trop sensible, elle ne voulut y joindre les extrêmes remèdes, mais seulement quelques légers préparatifs, pour adoucir, et non point pour résoudre, car en toute façon elle ne voulait pas que la perte de Céladon lui coûtât Lycidas, et elle considérait bien, que si la haine continuait entre lui et Astrée, il fallait qu'elle rompît avec l'un des deux, et toutefois l'amour ne voulait point céder à l'amitié, ni l'amitié à l'amour, et si l'un ne voulait consentir à la mort de l'autre, d'autre côté Astrée remplie de tant d'occasions d'ennui, comme je vous ai dit, lâcha si bien la bonde à ses pleurs, et s'assoupit tellement en sa douleur que, pour n'avoir assez de larmes pour laver son erreur, ni assez de paroles pour déclarer son regret, ses yeux et sa bouche remirent leur office à son imagination, si longuement, qu'abattue de trop d'ennui, elle s'endormit sur telle pensée.